Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Fred Astaire et l'âge d'or de la comédie musicale à Hollywood. Depuis quand connaissez-vous Fred Astaire? Depuis le film seulement. Mais avant, vous l'aviez vu? Ah, vu, oui, mais je ne le connaissais pas. Est-ce qu'il vous a déçu, surprise, enchanté? Non. Tout ce qu'on dit sur Fred Astaire de merveilleux est vrai et encore en plus. L'actrice Audrey Hepburn, au moment où elle tourne le film Drôle de frimousse aux côtés de Fred Astaire en 1957. En 1957, Fred Astaire est déjà une légende vivante à Hollywood. À partir des années 30 et 40, il va en quelque sorte révolutionner la manière de faire des comédies musicales au cinéma, et ses performances au grand écran seront si éblouissantes qu'elles vont marquer toute une génération de danseurs. You know, I've always felt that dancing for records wasn't too effective as far as my stuff is concerned because I get off the floor a great deal and there may be a lot of empty spots for me. J'ai toujours senti que si je dansais pour accompagner les musiciens pendant l'enregistrement, ça allait donner un drôle de résultat puisque je descends souvent de la scène. Il y aurait donc souvent des bouts où il n'y a rien. Mais j'aimerais bien l'essayer. Alors voici, je me lance et j'improvise avec les gars. Et si vous entendez des bruits bizarres derrière, n'oubliez pas, c'est moi. If you hear some strange noises out there, remember that's me. All right, let's go. Tous les chorégraphes, tous les gens qui font des ballets, et je pense que ce soit des ballets classiques ou des ballets contemporains ou de toute forme de danse, je pense que tout le monde le considère comme probablement le génie de ce siècle, ou un des deux, trois grands génies de la danse de ce siècle. Et quand je le regardais travailler, il était absolument branché, et ça durait pendant quelques heures, et il était très, très, très nerveux sur son travail. Mais en dehors de ça, il était très gai, très amusant, et il ne pensait pas qu'il faisait des choses importantes. Quand on lui parlait de sa danse, il trouvait que c'était tout naturel. Sur la pièce Fast Dances, dansée à la claquette par Fred Astaire, accompagné au piano par le pianiste Oscar Peterson en 1952, vous entendiez le danseur et chorégraphe français Roland Petit à la télé française au moment de la mort de Fred Astaire le 22 juin 1987 pour nous parler de la carrière exceptionnelle de Fred Astaire, de son importance aussi dans l'histoire de la danse et du cinéma. Je reçois ma collègue Hélène Faradji, critique de cinéma, Eddie Mestre de la section cinéma du site de Radio-Canada et animatrice du balado Plein écran sur ICI Première. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. Qu'évoque ce nom-là quand on parle de Fred Astaire? Qu'est-ce que ça évoque dans l'histoire du cinéma américain? D'abord, je crois l'élégance. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à apporter une dose de glamour, mais dans le sens le plus élégant du terme, à Hollywood. Et puis, c'est aussi l'emblème de la comédie musicale classique à Hollywood. C'est lui qui peut-être la représentait le mieux, la portait à un point de perfection quasi ultime, même si d'autres danseurs ont pu marquer l'histoire de la comédie musicale, comme Gene Kelly. Fred Astaire est vraiment lié pour toujours à cette période extrêmement prolifique du cinéma américain. Et c'est un danseur, mais à l'écran, dans ces années, je disais en 57, c'est déjà une légende vivante, c'est une grande star. Oh, les plus grands à Hollywood. C'est une immense star. Le nom de Fred Astaire évoque immédiatement une qualité, une perfection. On sait que si on va voir un film de Fred Astaire, même à cette époque-là, on a presque une garantie de plaisir, tellement il est parfait. Bon, alors, grande carrière à Hollywood, mais il reste d'abord et avant tout un danseur, au départ, Fred Astaire. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'il commence à s'intéresser à la danse, Hélène Faradji? En fait, je ne sais pas si c'est lui qui s'y intéresse, mais sa mère s'y intéresse beaucoup et il commence à danser à l'âge de 4 ans pour accompagner sa sœur qui s'appelle Adèle, qui est extrêmement douée. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, la maman de Fred Astaire pense que c'est sa fille qui va faire carrière. Ah bon? Elle pense, donc elle mise tout sur sa fille. Très très jeunes, ils vont former un duo, ils vont se produire un petit peu partout sur la planète, même jusqu'à Londres, à Broadway, etc. Donc ça fonctionne effectivement très bien. Mais lorsque la jeune fille Adèle finit par grandir et se marier, elle décide de quitter la danse. Et là, on se retrouve avec un Fred Astaire encore très jeune, mais qui va porter cet ancien duo, ou en tout cas la gloire qu'il a pu acquérir pendant ces années de travail-là, beaucoup plus loin encore. Oui, et c'est là qu'il va s'intéresser au cinéma, qu'il va donc commencer cette brillante carrière à Hollywood. Avant d'arriver à Hollywood, un petit mot quand même, un petit aparté pour parler de son nom, qui n'est pas son nom, Fred Astaire. Non. Son vrai nom, c'est Frédéric Austerlitz. Tout à fait. Très vite, il prend le nom de Fred Astaire avec sa sœur quand il danse sur toutes les scènes du monde. Pourquoi Fred Astaire? Ben, parce qu'en fait, toute la famille vient d'Autriche, donc il s'appelle Austerlitz. Et quand les parents déménagent à New York, parce qu'ils s'installent d'abord au Nebraska, où le père n'arrive pas à trouver de travail, et quand ils s'installent à New York pour promouvoir la carrière des deux enfants, mais ils se rendent compte que le nom Austerlitz sonne peut-être un petit peu trop étranger pour vraiment pouvoir leur amener du succès. Et donc, les parents décident de changer le nom d'Austerlitz pour Astaire. Et comment donc ce brave Fred Astaire arrive-t-il, aboutit-il au cinéma? Alors, à l'époque, les grands studios d'Hollywood, en fait, ont des yeux un petit peu partout, dans les différents théâtres, les musicals, etc., pour repérer les futures vedettes. Et dès que le duo Astaire, donc la sœur et le frère, commencent à faire un peu parler d'eux, ils vont avoir une première audition pour la Paramount. Mais ça ne va pas marcher du tout. Ouais. Ils vont être refusés. Et c'est quelques années plus tard, quand Fred Astaire va être en solo, qui va être cette fois-ci contacté par RKO, qui est la grande compagnie de production de l'époque, et qu'on va lui faire passer un test. Et c'est très amusant parce que la légende veut que la note qui a été laissée après le test de Fred Astaire dise « Il ne peut pas jouer, il est un peu chauve et il danse aussi. Ouais. » Donc voilà pour résumer. Ça partait mal, mais pourtant, je crois que c'est son attitude qui a charmé profondément le directeur du studio, David O. Selznick, qui a décidé que Fred Astaire allait devenir une star et donc à encourager cette carrière-là. Et il a derrière la tête, il a une idée d'adaptation, ce producteur. Astaire est très populaire à Broadway, entre autres. Il y a un spectacle qui a beaucoup roulé, La Joyeuse Divorcée. Il veut faire un film, il veut faire de ce spectacle-là un film. Ce qu'il fera, mais pas tout de suite. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Donc, la carrière d'Astaire est partie au cinéma. Premier grand coup en 1933, c'est son premier film avec Ginger Rogers, La Carioca, Flying Down to Rio en anglais. Et ça, c'est le... Il a fait un ou deux films avant, mais quand il rencontre Ginger Rogers, c'est le début d'une aventure spectaculaire. Ah, vraiment spectaculaire, parce qu'en fait, ce ne sont pas eux les stars de ce premier film. Il y a une jeune starlette qu'on veut mettre de l'avant, qui va être au milieu du film. Et pourtant, le public adore le couple de danseurs et va inonder RKO de lettres d'admiration et de soutien. Et le studio se rend vite compte qu'ils ont probablement une paire assez exceptionnelle. Et effectivement, par la suite, ils vont faire 9 films ensemble, parmi les grand chef-d'œuvre de la comédie musicale. C'était un couple qui fonctionnait parfaitement bien ensemble. Ouais. Pourquoi? Parce que ça devient vraiment un couple, un des couples mythiques du cinéma hollywoodien. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Ben, c'est qu'en fait, Fred Astaire, lui, comme je le disais, a cette élégance, cette retenue, presque une sobriété ou en tout cas une distance peut-être par rapport à ce qu'il fait, alors que Ginger Rogers, elle, est très terrienne, très sensuelle, très terre-à-terre presque. Et je crois que leur style de danse se complète extraordinairement bien. Catherine Hepburn, à l'époque, qui est évidemment observe tout ça, va dire de ce couple-là, lui donner de la classe et elle lui donner du sex appeal. Mmh. C'est exactement ça. Ils se contaminent l'un l'autre avec leurs qualités respectives. Donc, il y a le couple qui fait partie de la formule gagnante, mais il y a un troisième joueur, Hermes Pan, qui est un chorégraphe. Puis on peut dire, au fond, que Fred Astaire va former un trio avec Ginger Rogers et Hermes Pan, un trio qui va, d'une certaine façon, révolutionner la comédie musicale, celle qu'on montre à l'écran, Hélène Faradji, de quelle manière ils vont opérer cette petite révolution? Mais c'est vrai que c'est une révolution parce qu'à l'époque, la comédie musicale, en tout cas telle qu'elle est envisagée par Hollywood, elle est dominée par un autre grand de la comédie musicale, c'est Busby Berkeley. Busby Berkeley, c'est des grands spectacles très, très chorégraphiés, avec beaucoup de montage dans les numéros musicaux, beaucoup de détails aussi. Si on pense à un film de Busby Berkeley, on voit immédiatement cet alignement de jambes de chorus girl, dont on ne voit pas les têtes, donc des plans très découpés. Et Astaire, lui, avec évidemment les autres membres de son équipe, va imposer deux choses qui vont complètement changer la façon dont on fait de la comédie musicale. D'abord, que les danses soient filmées en grand angle, quasiment en plan séquence. Oui. Donc, on ne coupe plus dans l'image. On va voir le couple de danseurs. Lui dit qu'il veut un maximum de 8 coupes, donc de 8 effets de montage par numéro. Oui. Donc, chaque numéro de danse doit être le plus intact possible. Il va même dire à un moment donné, soit c'est la caméra qui danse, soit c'est moi. Oui. Il est quand même assez assez. Mais ça, c'est ferme. Vrai que c'est une révolution. Parce que on voit, pour la première fois, on voit des gens danser vraiment à l'écran. Exactement. Sans traficage, sans coupage, sans montage, sans jeu de plan rapproché où on ne voit plus les jambes, par exemple. Exactement. Donc, on met vraiment en valeur la danse, un petit peu comme si on assistait à une représentation sur scène. Oui. Donc, on voit un vrai plan d'ensemble de la danse. On peut admirer les mouvements dans leur entier, sans supercherie, sans trucage, sans effet de montage. Donc, il y a ce premier élément qui va imposer. Et le deuxième, qui est très, très important aussi, c'est qu'il va exiger que les numéros de danse ne soient plus déconnectés de l'histoire qui est racontée par le film. Donc, pour la première fois, les numéros vont véritablement influer sur l'histoire. Participe au récit. Et il va même inventer une formule minutée pour dire qu'après tant de minutes de récit, le numéro de danse doit intervenir pour un peu comme un pivot, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on peut repérer dans les exercices d'écriture dramatique, mais lui, il est remplacé simplement par des numéros de danse. Donc, il danse, mais plus que ça, c'est une tête pensante. Il est très, très important dans ce que ces films vont devenir. Tout à fait. C'est un chorégraphe du récit, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui invente une nouvelle façon de raconter par la danse. Ouais. Le couple Rogers-Astaire, ça se termine en 1939, cette belle histoire. Pourquoi Hélène Faradji? Parce que Fred Astaire, en fait, avait un peu souffert de l'association forcée avec sa sœur. Et donc, il avait très, très peur d'être catalogué comme un danseur de duo. Lui, ce qu'il voulait, je pense, c'est aussi pouvoir soit changer de partenaire, soit pouvoir avoir une reconnaissance qui lui soit plus propre. Et donc, il s'est rendu compte que l'association avec Ginger Rogers risquait peut-être de lui nuire un peu dans ce sens-là, et il a préféré aller voir ailleurs. Et l'ailleurs, ce sera qui? Oh, ce sera pas mal quand même. On a par exemple Rita Hayworth. À un moment donné, il va faire un petit bout d'essai avec elle. Paulette Goddard aussi. Il va aussi danser avec Gene Kelly en duo. Donc, toutes sortes de partenaires comme ça qui vont le... Peut-être pas le faire changer, mais en tout cas lui apprendre des nouvelles choses, même si aucun partenariat ne durera aussi longtemps ou ne sera aussi mythique que celui avec Ginger Rogers. Oui, parce que 39, donc, le départ de Ginger Rogers, et 46 déjà, l'annonce, c'est un faux départ, mais l'annonce d'une retraite. Oui. Fred Astaire qui dit, bof, ça y est. J'ai fait le tour. Ouais, il a déjà eu un Oscar, je pense, à ce moment-là, ou en tout cas, on était à peu près dans ces années-là. Il s'apprête à l'avoir. Il va l'avoir en 1950, qui est un Oscar d'honneur, en fait. Il n'a jamais eu d'Oscar à proprement parler pour un de ses rôles. Mais en 46, en effet, il dit, ça y est, moi, je pense que j'ai fait le tour, je ne trouve pas nécessairement comment me réinventer. Donc, 46, il décide d'ouvrir un studio de danse, ce qui semble assez approprié. Et coup du sort, 2 ans plus tard, en 48, Gene Kelly, qui est l'autre star de la comédie musicale, se blesse juste avant le tournage d'un film. Et on appelle Fred Astaire en disant « Aide-nous, s'il te plaît ». Et il va accepter dans Easter Parade de remplacer Gene Kelly. Et c'est peut-être d'ailleurs un des morceaux les plus inoubliables de sa filmographie, parce qu'il va faire un numéro de danse au ralenti qui est absolument spectaculaire, d'une élégance, d'une fluidité, d'une précision absolument soufflante. Et en fait, ça va, alors qu'il avait vraiment envisagé prendre sa retraite du cinéma Hollywood en 46, à partir du moment où il revient en 48, là, il y a toute une série de films qui seront parmi ses plus grands films, Hélène. Oui, tout à fait. Alors déjà, il va changer de studio. Il va refuser d'être attaché à un studio comme il avait pu l'être pour la RKO. Donc, il va travailler pour la MGM, pour Paramount, pour toutes sortes de studios, et il va faire peut-être deux des films les plus classiques de la comédie musicale de l'âge d'or. C'est The Bandwagon de Minnelli, qu'il avait fait avec sa sœur sur scène. Mm-hmm. Et puis Daddy Long Legs en 55, qui est aussi là peut-être un des plus grands films de la comédie musicale. On écoute justement sa partenaire dans Daddy Long Legs, Leslie Caron, actrice et danseuse. Vous allez voir, elle décrit l'incroyable sens du rythme que possédait Fred Astaire. C'est une entrevue qu'elle accorde, ce qu'on va entendre, à Jacques Boulanger à l'émission Superstar en 1982. Mais Fred, pour moi, c'était, je crois, le grand homme qui a marqué la danse au cinéma. C'est vrai. Je crois que, d'ailleurs, quand j'étais petite, ma mère me disait, Fred était déjà un professionnel, et ma mère me disait, va voir les films de Fred Astaire pour prendre des leçons de tempo. Parce que c'est un homme qui a inventé de jouer avec le tempo. Il était toujours un peu en avance, un peu en retard, mais exprès. Il n'était jamais comme ça carré sur la musique. Et quand on dansait, c'était toujours une interprétation de la musique. Ça l'amusait. Vous le laissiez tout seul avec un porte-manteau. 10 minutes plus tard, vous reveniez, il y avait un numéro. Il ne pouvait pas s'empêcher. Les jambes, les pieds marchaient. Je l'ai vu dans un magasin en train d'acheter une cravate. Eh bien, c'était un ballet. Ça dansait. Les doigts dansaient, le corps dansait. C'est un danseur. Il est né comme ça, avec le mouvement. La danse dans le corps, c'est fou ce que raconte Leslie Caron dans cet extrait. Qu'est-ce qui fait qu'il était un si grand danseur? Comment décrire, Hélène Faradji, le style Fred Astaire? Le style Fred Astaire, je crois que c'est un petit peu comme Roger Federer au tennis. C'est cette impression de facilité. On a l'impression que ça lui vient spontanément, alors que, bon, évidemment, il y a des heures et des heures de travail, mais on a cette impression de naturel, ouais, de fluidité. L'élégance dont vous parliez, l'élégance, la grâce. De fluidité, de précision. Comme si tout ça lui venait de l'intérieur presque. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui était un travailleur acharné. Ouais. La légende veut qu'il demandait à peu près 2 semaines de répétition pour chaque numéro. Donc, ce qui était quand même assez exigeant pour les producteurs des films, parce qu'il fallait débloquer tout ce temps-là. Mais quelqu'un qui répétait énormément ses numéros, qui était souvent aussi en proie au doute, donc qui avait besoin de se rassurer pour arriver au moment X et que la performance soit idéale. Ouais. Dans les années 50, autant il y aura encore quelques grands films, autant graduellement. Il s'éloigne quand même du cinéma pour faire de la télévision, pour faire de la radio. Parlez-nous un petit peu de cet autre aspect de sa carrière. Oui, le dernier film, disons, de comédie musicale traditionnelle qu'il va faire, c'est en 57, c'est Silk Stockings avec Sid Charisse. Après ça, on ne le verra plus danser dans des films. Il va faire quelques spéciaux à la télévision, évidemment. Mais il va essayer de se réinventer comme acteur normal, en tout cas acteur qui ne danse pas. Ça va aller plutôt bien, même si ce n'est pas des grands rôles marquants. 59, il va faire On the Beach, sa première nomination aux Golden Globes. Il va faire La Tour Infernale, qui va être sa seule nomination aux Oscars, ce qui est quand même un peu particulier. Il va jouer pour Coppola, il va jouer un film d'horreur à la fin qui s'appelle Ghost Story. Mais sa participation la plus amusante, c'est peut-être à la télévision dans la série Battlestar Galactica, dans laquelle il va accepter de jouer. Il est déjà quand même assez âgé, mais parce que ses petits-enfants adore la série et donc il va faire une petite apparition amusante, mais la fin de carrière, disons, est peut-être plus des clins d'œil, des apparitions que des véritables rôles dans lesquels il peut mordre. Et puis parce qu'on l'aime bien, il a un capital de sympathie énorme. Et puis son nom reste encore porteur de mythe, ça reste un mythe hollywoodien, Fred Astaire. Dancing in the dark till the tune ends, we're dancing in the dark, and it soon ends. We're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here and gone, looking for the light. Ce qu'on entend, Hélène Faradji, c'est le Fred Astaire chanteur. Mm-hmm. Il va chanter à peu près toute sa carrière, mais dans les années 50, beaucoup souvent accompagné de celui qu'on entend aussi sur cet extrait, le pianiste Oscar Peterson, Dancing in the Dark, qu'on entendait. Quel genre de chanteur va être Fred Astaire? Évidemment, si on compare aux danseurs, on n'est pas tout à fait dans la même maîtrise ou dans le même côté impressionnant, parfait. C'est peut-être un chanteur un peu moins expérimenté que Frank Sinatra, par exemple, mais il a une voix qui est très sensuelle, très suave, très chaleureuse. Il chante juste, il chante bien. C'est pas exceptionnel ce qu'il fait en chant par rapport à ce qu'il fait en danse, encore une fois. Mais on retrouve ce côté élégant, ce côté facile, ce côté extrêmement façonné, peut-être presque artisanal de la chanson. On sent la personne qui est investie par un amour de l'art. Ouais. Et on entend, autant on voyait l'époque quand on voyait ses films, quand on le voyait danser, autant on entend parler de Sinatra, autant quand on l'entend chanter, on entend une certaine Amérique. L'Amérique musique d'une certaine époque. Il chante à la façon dont on chantait aux États-Unis à cette époque-là. Crooner un peu, c'est ça. Ça. Oui, c'est crooner, c'est élégant. On sent qu'il y a une respectabilité, j'ai envie de dire, qui va très, très bien avec le personnage de Fred Astaire, parce que Fred Astaire, c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais fait de vagues, qui a tout le temps été assez conservateur, qui était d'ailleurs un des fondateurs du comité républicain à Hollywood. Donc, une vie très rangée, très propre, très lisse, qu'on lui a reproché aussi par moments, parce que au moment où lui commence à décliner un petit peu, arrivent de nouveaux danseurs comme Gene Kelly, qui est peut-être un petit peu plus charismatique, ouais, un petit peu plus amusant. Fred Astaire, lui, restait avec cette image d'homme bon, juste et noble, mais qui pouvait peut-être paraître un petit peu ennuyeuse. Mais reste que quand on entend le nom de Fred Astaire, que ce soit en chant ou en danse, on sait que la qualité, ouais, va être au rendez-vous. Ouais. Qu'est-ce qu'il laisse? Est-ce qu'il laisse des héritiers? Qu'est-ce que va devenir la comédie musicale après lui? Mais parlons peut-être d'abord de ses héritiers. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment vont marcher dans les pas de Fred Astaire? Il y en a, mais dans des domaines assez différents. C'est assez drôle. Alors, le premier qui revendique son héritage, c'est Jackie Chan. Chan, le héros des films d'action chinois, qui a souvent dit qu'il préparait ses combats, les chorégraphies de ses combats, en regardant les films de Fred Astaire. Donc pour la fluidité, pour l'élégance, encore une fois, vraiment, lui, il a revendiqué de façon assez ouverte. Et l'autre, eh bien, c'est Michael Jackson. Ouais. Michael Jackson qui a été adoubé par Fred Astaire lui-même. Fred Astaire, en fait, quand il était octogénaire, il est mort à 88 ans, mais dans le début de ses années 80, ouais, a lui-même dit: « Je ne voulais pas quitter ce monde sans savoir qui mon descendant allait être. Merci, Michael. » Donc lui-même a dit: « Voilà, Michael Jackson, quand je le vois danser, j'ai l'impression de trouver quelque chose qui est de l'ordre de ce que moi j'ai pu inventer. » Et Michael Jackson, lorsqu'il a publié son autobiographie un an après la mort de Fred Astaire, a dédié son autobiographie à Astaire. Et la comédie musicale, Hélène Faradji, hollywoodienne, est-ce qu'elle va se relever? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça se termine. Hein? Ouais. En tout cas, c'est une époque, une façon de faire de la comédie musicale. Il y aura autre chose après, mais ce sera plus pareil. Ce sera beaucoup plus ponctuel et sporadique. Exactement. Il y a encore quelques grandes comédies musicales après les années 60. Bon, il y a West Side Story, Funny Girl, Cabaret, etc. Mais effectivement, c'est très ponctuel. On n'a plus cette vague ou ce genre institué et voulu par les studios. D'abord parce que ça coûte extrêmement cher produire une comédie musicale. Les studios, au début des années 60, sont en pleine crise. La concurrence de la télévision ne permet plus de mettre d'aussi gros budgets sur les films. La concurrence de la télévision aussi entraîne le public vers d'autres écrans. Donc, ouais, le cinéma est un petit peu en désuétude. Et puis, on sent justement que cette jeunesse des années 60, 70 même, n'est plus tout à fait sensible au, ouais, charme de quelqu'un comme Fred Astaire, plus classique. Hélène Faradji, c'était comme toujours un bonheur. Merci, Hélène. Merci. Hélène Faradji, je vous le rappelle, critique de cinéma qu'on peut entendre chaque semaine, entre autres, à l'émission Médium Large, animatrice également du balado Cinéma Plein Écran sur ICI Première. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.